Chapitre 2e. Entre la disparition d'Enguerrand et les faits qui vont suivre, il y a eu un intervalle d'un an. Des salons élégants de Versailles, nous vous transporterons en Bretagne jusqu'à cette triste baie de Douarnenez, où, près de Crozon, la mer vient s'engouffrer avec un mugissement terrible dans les grottes profondes que visitent seuls les cormorans, les goélands et les mauves. Un abîme, surtout, porte une juste terreur dans l'âme des marins qui passent en se signant et en invoquant Notre-Dame d'Auray. L'enfer, tel est son nom, et il ne l'a que trop justifié par le nombre de ses victimes. Un monastère de franciscains situé sur la limite des Arpres-Falaises, ayant vu d'une part sur l'océan si souvent agité, de l'autre sur les sombres forêts qui s'étendent dans le pays de Châteaulin, devait être un séjour de continuelle méditation, d'incessante préparation à la mort. Entre ces hautes murailles, grises comme le ciel qui les encadrait, l'esprit ne pouvait se détourner des graves pensées de l'éternité. Là, il fallait croire ardemment, espérer de même, ou bien s'éteindre sous le souffle desséchant du regret et de la consomption. Dans tout le pays, le monastère de Crozon était profondément vénéré. À l'appel de ses cloches invitant les fidèles à la prière, les habitants des campagnes s'agenouillaient dévotement. Le laboureur qui passait avec sa casaque de laine à capuchon, ses grandes culottes et ses sabots, n'eut pas oublié d'invoquer saint François, quitte ensuite à laisser dans son champ un coin non cultivé pour faire la part du diable. On peut aisément se figurer quelle surprise devait produire, dans cette contrée reculée, et alors si sauvage encore, l'arrivée d'un carrosse. Une voiture traînée par quatre bons chevaux et portant les armoiries d'une abbesse s'était arrêtée devant la principale entrée du couvent. Il en sortit une femme, la physionomie imposante, aux traits les plus réguliers, autant qu'on pouvait les distinguer sous son double voile. Le premier de toile noire, le second d'étamine, l'un rejeté un peu en arrière, l'autre baissé, comme le voulait la règle des filles de la bienheureuse Angèle de Bresse. Sa robe, noire également, et retenue par une ceinture de cuir avec une boucle de fer, était de serge. Malgré l'austérité de ce costume, celle qui le portait offrait un mélange de grâce et de dignité. Elle s'adressa au frère portier, et d'une voix légèrement troublée, elle dit « Je suis la supérieure des Ursulines de Brest. Pour affaires importantes, j'ai besoin de parler au frère Augustin. J'espère que mon titre me donnera entrée en votre maison. » « Ma sœur, répondit le religieux, « c'est une décision que je ne puis prendre sur moi, mais en l'absence de notre vénéré prieur, que les intérêts de l'ordre ont conduit à Rome, permettez-moi d'aller prendre l'avis des frères Baptiste et Hilaire qui le remplacent. » Au bout d'un quart d'heure, il revint avec la permission demandée. L'abbesse fut introduite dans une sorte de parloir où on la laissa seule, agenouillée sur un prie-dieu. Quelques minutes après, un jeune homme paraissait, faisant retentir le pavé de la salle sous le cuir épais des sandales dont ses pieds nus étaient garnis. Il était vêtu d'une robe de drap de couleur brune, avec un capuceron auquel était attaché un scapulaire terminé en pointe, dont les extrémités par devant et par derrière descendaient jusque sous la ceinture qui était une corde de crin noir. Un manteau, de même étoffe et de même couleur, se drapait sur les épaules du religieux. Il eût suffi de considérer un moment ses traits, d'une correction parfaite, pour admirer en lui une beauté que son expression recueillie, grave et même triste, rendait toute séraphique. Sa barbe longue donnait à son visage un caractère ascétique, en même temps que son extrême pâleur semblait indiquer les ravages des passions d'autrefois. C'était d'un pas lent qu'il s'avançait avec une sorte d'irrésolution, comme s'il n'eût éprouvé que de la répugnance pour une visite qu'il arrachait soit à la méditation, soit à l'étude. Cependant, l'abbesse des Ursulines s'était levée en entendant le jeune homme, mais à sa vue, elle retomba en poussant un sanglot. Tout troublé, il avait tressailli et s'était arrêté, paraissant indécis. Il fallut que l'abbesse reprît de la force et alla jusqu'au religieux. Celui-ci tremblait de tout son corps, et son émotion devint presque du délire lorsque le voile noir, en s'écartant, lui laissa distinguer pleinement les traits de la visiteuse. « Léonora » s'écria-t-il. « Enguerrand » murmura faiblement la noble femme. Tous deux se contemplèrent ensuite silencieusement. Trop de pensées se pressaient dans leur âme pour que les paroles puissent arriver à leurs lèvres. Tour à tour la joie, l'agitation, la crainte se succédaient, visibles, sur le front du jeune religieux. Enfin il dit, non sans une certaine amertume, Ne m'appelez pas Enguerrand, madame la princesse. Je ne suis plus ce courtisan léger, vif, ce héros des fêtes, ce papillon des bals que vous avez connu autrefois, que vous avez daigné remarquer. Un changement inouï est survenu dans ma vie. Et aujourd'hui, si vous me retrouvez pâle et sérieux, vous ne devez point vous en étonner. Mais enfin, Enguerrand, avez-vous pu accepter froidement la violence odieuse qu'on vous a faite? Avez-vous pu vous résigner à passer d'une vie d'enchantement à une existence de mortification, de silence et d'obscurité? Non, n'essayez pas de me le persuader, de vous le persuader à vous-même. Ou bien, avouez que dans la prison que vous imposez le duc de Mortello, vous avez perdu toute énergie, toute dignité. Ô ciel, Léonora, qu'osez-vous dire en ce lieu où vos paroles semblent autant de blasphèmes? J'ai dit la vérité, hélas. Votre exclamation en est la preuve. » Le vicomte avait fait quelques pas au hasard, en couvrant son visage de ses mains crispées. Un désordre inexprimable accablait son esprit, semblable à ces plages ouvertes et désolées sur lesquelles se déchaînent tous les vents du ciel. La princesse alla vers lui et saisit une de ses mains. Elle vit alors qu'il avait les yeux baignés de larmes. « Ami, dit-elle d'un accent rempli de douceur et de mélancolie, écoutez-moi avec calme s'il se peut. Vous comprendrez mieux votre position ainsi que ma démarche. Tenez, placez-vous sur ce banc et prêtez-moi l'attention que je vous demande. Ce n'est pas à vous, Enguerrand, que j'ai besoin de rappeler le passé. Nous avons été coupables. Si l'amour dans son exaltation, et je suis fier de le dire, dans toute sa pureté, si l'amour est un crime. J'avais suivi en France l'homme que ma famille m'a imposé pour mari. L'homme qui s'enorgueillissait de moi parce qu'on me trouvait belle. De même qu'il était fier de sa haute naissance et de son immense fortune. Je vous vis à Versailles, et dès lors, moi, que les jouissances du luxe, l'encens des adulations avaient toujours laissé indifférente, je compris que l'existence pouvait offrir du charme. Je compris que je n'avais pas encore vécu. De votre côté, mille plaisirs, mille triomphes, vous avez prodigué leur ivresse. L'amour qui nous unit vous sembla un monde inconnu et souvent, doux souvenir, vous me dites qu'il vous avait transformé. Que nous fallait-il cependant? Un mot, un regard, une fleur. Pour vous, Enguerrand, pour moi également, c'était la poésie dans ce qu'elle a de plus saint, de plus vénéré. Avez-vous oublié tout cela? Cette question était trop directe. Enguerrand ne pouvait se soustraire à une réponse, et cette réponse qu'il avait d'abord comprimée s'échappa de son âme avec toute l'impétuosité de l'amour et de la jeunesse. Moi? T'oublier, oh Léonora, vous ne le pensez pas. C'était impossible. Ici, en face d'une règle inflexible, sous cette robe que j'ai dû accepter, au milieu d'une paix éternelle, je conservais l'orage de ma passion. Mille fois j'ai frémi, mille fois j'ai affligé le cœur des hommes vénérables qui m'entourent et m'ont prodigué leur consolation paternelle et leur conseil charitable. Consolation et conseil, je repoussais tout. J'entrais dans de sauvages accès de fureur. Je maudissais le sort. Ma pensée me reportait vers vous. Je n'existais que là où vous étiez. Les idées de vengeance traversaient aussi ma tête brûlante. Je ne m'étais point mépris sur la main qui m'avait frappé. Je savais bien d'où était partie la lettre de cachet par laquelle j'avais été transféré soudainement du centre le plus élégant dans un sombre monastère de Bretagne. Alors, je frémissais de fureur, et peut-être... Si le prince de Mortello avait été devant moi, peut-être l'eussé-je tué sans pitié. La princesse frémit. Le jeune homme s'arrêta, comme effrayé des paroles qu'il venait de prononcer. Ce fut avec un sourire rempli de douceur et de tristesse qu'il reprit. « Rassurez-vous, Léonora. Je n'ai pas toujours été livré à ces transports de délire. J'ai fait parfois entrer la raison dans mon cœur. Parfois, j'ai compris que le plus sage parti était de me résigner, d'accepter mon sort. « Ainsi, dit la princesse en hésitant à chaque mot, ainsi vous êtes lié à jamais. Vous avez prononcé vos vœux. Moi ? S'écria le vicomte. Qui vous fait penser cela ? Votre costume ? Votre langage ? Mon costume, j'ai dû le subir. C'est celui des frères servants. Quant à mon langage, s'il se ressent de ma pénible situation, il n'indique nullement l'intention de prononcer des vœux. Ô ciel ! « Vous êtes libre, mon Enguerrand. »« Libre, » répéta le vicomte. « comme on peut l'être ici, où je suis enfermé par l'ordre du roi. Et si vous pouviez sortir, si une influence égale à celle du prince avait modifié déjà en votre faveur les dispositions de sa majesté. S'il vous était donné bientôt de pouvoir reprendre vos habits de gentilhomme, votre épée d'officier, votre croix de Saint-Louis, d'être rendu à vos amis, à votre famille et à celle qui vous aime. Parlez, oh parlez, refuseriez-vous? Léonora, Léonora, pitié, ne me tentez pas, ne me montrez pas un rêve trop séduisant. Le réveil serait si pénible. Non, cela sera, fiez-vous à moi. C'est impossible, ces murs sont infranchissables, quelles ressources avez-vous? Tenez, ne me présentez plus cette perspective, et laissez-moi mourir ici, heureux du moins de vous avoir revu. La princesse se taisait, cherchant dans son imagination les moyens qu'elle pourrait employer pour réussir, et intérieurement, elle jugeait qu'Enguerrand avait bien compris les difficultés de l'entreprise. Un bruit de pas tira son attention. « Déjà, murmura tristement le jeune homme, on vient nous séparer. » En ce moment, un religieux au visage austère parut et s'inclina profondément. C'était le père Baptiste. « Ma sœur, dit-il, pardonnez-moi d'interrompre votre entretien. C'est par une dérogation à notre règle qu'il a été permis. D'autant plus que la position de frère Augustin est toute particulière et que des ordres sévères, très sévères, ont été donnés à son sujet. Mais notre couvent vous a de telles obligations. Vous avez mis tant de générosité à nous concéder tout le terrain nécessaire pour notre verger et nos plantations, que nous ne pouvions rien vous refuser. Mon père, répondit la princesse d'une voix très émue, vous plairait-il de devenir prieur de la plus importante des maisons de votre ordre, et peut-être un jour général de l'ordre entier? Le moine, très surpris, recula d'un pas. Sans répondre, il dirigea de côté un regard sur Enguerrand. La princesse comprit, et ce fut elle qui renvoya le vicomte en lui disant « Adieu, mon frère. J'espère que ce ne sera point un adieu éternel. Adieu, Léonora !» s'écria le jeune homme, et il s'éloigna, désespéré. « Léonora !» avait répété tout bas le moine. « Quel mystère !»